Une guérison surprenante. C'est le titre de l'enregistrement d'aujourd'hui qui est fait au mois de septembre 2024. Donc, j'ai choisi ce titre parce que j'ai vécu dans les dernières heures un phénomène de guérison surprenante. Aujourd'hui, je fais une capsule audio par rapport à ça. Donc, au lieu de tenir un journal personnel où ce que j'écris, mon expérience vécue pour la décrire avec clarté, pour l'intégrer en conscience, ben, j'ai décidé de faire un enregistrement audio. Donc, s'il y en a parmi vous que ça intéresse de l'écouter, ben, tant mieux. En fait, le point, c'est que j'ai vécu une expérience particulière. Je vous explique un peu. Lundi passé, j'ai fait du jogging, comme souvent, avec une certaine intensité. J'avais un certain niveau de fatigue physique et dans les dernières minutes que j'ai fait du jogging, je me mettais, dans le fond, à éternuer. Je commençais à avoir la goutte au nez. Puis, par la suite, dans les heures qui ont suivi, lundi en soirée, je me mettais à éternuer, je me mettais dans le fond moucher à répétition. Donc là, je trouvais ça un petit peu ennuyeux parce que je n'avais pas envie naturellement d'avoir le rhume ou d'avoir la grippe. Et par la suite, mardi, mon état de santé s'est dégradé. Donc, dans le sens que je dis dégradé, c'est-à-dire que je continue à moucher. Donc là, je sens que la présence de virus a quelque chose. Là. Donc ça, c'est pendant la journée de mardi. Je me sens fatigué. Ensuite, j'ai des courbatures, des douleurs physiques. Par la suite, mardi, en après-midi, je commence à avoir le goût de vomir, mais là, c'est sûr que là, c'est un petit peu désagréable. Et sur l'heure du souper, ben, je prends ma température, je fais de la fièvre, donc ma condition se dégrade. Et puis, par la suite, en soirée, à un moment donné, je me mets à vomir. Et il s'est passé un phénomène particulier. C'est un petit peu comme si lorsque je vomissais le virus, je m'en détachais, je l'éjectais de mon corps simultanément. Et par la suite, après avoir vomi, les réactions qui ont précédé dans les heures précédentes qu'on aurait pu attribuer, bon, soit à la grippe ou un rhume qui commençait à s'installer, donc avec quelque chose de viral probablement, ou une bactérie ou un élément pathogène, ont disparu. Donc, quand j'ai vomi, ben là, je me suis dit, c'est peut-être lié au fait que dans les heures précédentes, j'ai bu beaucoup de jus d'orange pour avoir de la vitamine D. Alors, le jus d'orange, c'est acide. Peut-être que mon estomac est acidifié. Puis, ça m'a amené à réagir avec le goût de vomir. Mais, si ça aurait été juste une forme d'intoxication alimentaire, parce que quand on a envie d'intoxication alimentaire, on peut avoir le goût de vomir, on peut faire de la fièvre, ce qui était mon cas. J'aurais sans doute continué à avoir des symptômes grippaux. Habituellement, à ma connaissance, les symptômes grippaux, ils disparaissent pas d'une manière aussi subite. T'sais, habituellement, quand je commence à avoir la grippe, des fois, je vais l'avoir pendant quelques jours, une semaine, deux semaines. T'sais, ça ne sera pas en l'espace d'à peu près une journée, quasiment une journée et demie là, que ça va avoir disparu. Là. Donc, c'est ça, j'ai trouvé ça comme particulier comme expérience. Mais quand que j'ai vomi, c'est comme si je me délaissais du mal. J'étais comme en état de transe aussi. Donc, il y avait une dimension particulière. Bon, c'est sûr que quelqu'un peut dire, ben, t'as peut-être eu lundi une forme de réaction allergique, t'étais à l'extérieur, c'est le début de l'automne. Des fois, les arbres dégagent des choses. Ouais, mais si ça aurait été une réaction allergique, comme ça, ça n'aurait pas nécessairement perduré pendant plusieurs heures. Surtout que le mardi, j'étais à l'intérieur, puis bon, un peu comme quand on a la grippe ou le rhume, mon goût était altéré, je percevais pas aussi bien de goût. Ensuite, je me mouchais à répétition, je me sentais lourd, j'avais moins d'énergie. Puis habituellement, ben, grippe ou rhume, ça disparaît pas comme ça. Fait que là, j'essaie de regarder logiquement ou rationnellement mon expérience. D'en faire l'étude. Mais sinon, quand que j'ai vomi, j'avais une volonté ferme. Ben, premièrement, quand j'ai commencé à être malade, je dis non, non, ça, je passerai pas prochaine semaine ou prochaines 2 semaines à être malade. J'avais une volonté de guérir sans délai. Puis j'avais la volonté que ça. C'est comme ça coupe sec, là. Puis quand j'ai vomi, c'était comme intense. Puis après ça, il y a eu comme une espèce de relâchement. Je me sens. Ben, quand quelqu'un. Régurgite, des fois on se sent mieux, on se sent libéré, mais là, non seulement la fièvre a tombé après, mais les symptômes grippaux comme tousser ou moucher. Au moment où je vous parle, c'est le mercredi, après le mardi puis lundi, puis si vous entendez le son de ma voix est claire. J'ai pas toussé en cette journée de mercredi, j'ai pris ma fièvre un matin, il n'y en avait pas. C'est hier soir, mardi, quand j'ai vomi, ça a disparu. Donc, cette expérience-là a été particulière pour moi. Fait que c'est pour ça que je la consigne à travers un enregistrement audio aujourd'hui. En fait, en lien avec la santé, la guérison, ça me rappelait des expériences singulières que j'ai vécues. L'une d'entre elles, c'était avec ma mère. Il y a plusieurs années, j'avais des symptômes grippaux et. J'étais dans le fond, à un moment donné, j'ai comme pensé à ma mère, puis je me sentis mieux, puis elle s'est sentie mal. C'est comme s'il y avait un transfert soit que j'avais un rhume ou la grippe à elle, à distance. C'est sûr, ça peut paraître particulier. Il y a des gens qui peuvent écouter l'enregistrement, on se dit, ouais, ça se peut pas, des affaires de même, mais dans les faits, c'était lors d'une soirée. Après ça, je me sentais mieux. C'est comme s'il avait pris mon mal à distance. C'est particulier. Ensuite, une autre expérience. Donc, je connais quelqu'un qui est médium, qui fait des soins énergétiques. Là, il voyait que je commençais à avoir des symptômes grippaux. Puis là, il me dit, ben, c'est un code d'eau. Parce que, tu sais, quand on a des symptômes grippaux, il y a des gens qui vont dire, ben, on va utiliser un rince sinus, on va se mettre de l'eau dans le nez pour favoriser l'expulsion des virus qui peuvent être des en fait des éléments de contamination qui peuvent être dans le nez pour favoriser la circulation, se rincer la gorge, se rincer les narines. Mais non, lui, ce qui m'a fait, c'est un traitement dans le dos et ça avait expulsé. Après ça, le rhume ou le grippe avait disparu. Donc, c'était un traitement où ce qu'il utilisait les coudes, qui mettait ça dans le dos à certains endroits pour déplacer des énergies puis les expulser. C'est des traitements assez intenses parce qu'il pouvait prendre une charge d'éléments bloqués, énergétiques, logés dans le dos. Il ramenait ça à la hauteur de la bouche, puis là, je pouvais me mettre à crier. Un peu comme quand hier j'ai vomi puis je me suis mis à crier, comme un relâchement d'énergie. Donc, que c'est fait. Puis après ça, il y a comme une libération émotionnelle en lien avec ça instantané, puis de libération du virus. C'est comme si ça faisait. Ben lui, c'est ça. Il faisait éclater la forme avec le traitement énergétique, puis les coudes, où c'était comme des bulles d'énergie, si on peut dire, qui étaient dans le dos. Il les prenait, puis il les faisait remonter le long de la colonne vertébrale vis-à-vis de la bouche, puis ça sortait. Des fois, c'était des cris, puis après ça, il y a un sentiment de libération, puis ce que j'ai vécu hier, ça allait un peu dans ce sens-là. En fait, le phénomène de la santé ou de la maladie, c'est intéressant de l'étudier à différents niveaux. C'est sûr qu'il y a des interprétations multiples, par rapport à un même phénomène, mais il y a des voies inhabituelles de traitement qui donnent certains résultats. Hier soir, après avoir, dans le fond, vomi, je me sentais mieux. J'avais été sur Internet, j'avais été voir des vidéos de Bruno Grounding. C'est une personne qui est réputée avoir fait de nombreuses guérisons de son vivant. et aussi après sa mort. C'est une personne qui a vécu en Allemagne. Il y a beaucoup d'enregistrements là, par rapport à lui, où ce qui donnait des conseils pour favoriser la santé. Il y avait quelque chose de particulier, ce monsieur. Puis là, je focusais sur lui, puis je demandais d'avoir une guérison. Il y a plusieurs supports. Il y a des gens qui vont prier Dieu, la Sainte Vierge, les anges, différentes formes. Sauf que le point, dans un sens, si on veut être très pragmatique, c'est que peu importe la forme, l'important, c'est le résultat. Dans le sens que si moi, hier, je me suis mis à vomir, puis je suis heureux de ne pas avoir la grippe ou le rhume, puis que ça n'a pas duré 1 ou 2 semaines ou même 3 semaines, mais je suis très content de la situation. Sinon, ben, c'est sûr que hier, pendant la journée, je m'étais étendu au soleil. Ben oui, en ce début de mois de septembre, il fait tellement chaud au Québec que j'ai pu aller me faire bronzer au soleil. Je m'étais étendu sur une chaise et j'écoutais des enregistrements du philosophe jovialiste André Moreau. Donc, souvent, quand je suis malade ou je suis dans un état un peu plus déprimé ou je suis moins bien dans ma peau, naturellement, pour m'équilibrer, je vais écouter des enregistrements d'André Moreau qui fait la promotion d'une philosophie du bonheur, de la joie. Il y a une dimension par rapport à André Moreau où il va utiliser entre autres la bénédiction pour s'avantager. Moi, j'écoutais André Moreau puis je bénissais ma santé. Je bénissais le fait de retrouver rapidement la santé. Naturellement, j'ai vécu hier comme expérience de vomir. Ça a été très déplaisant sur le coup. Mais par la suite, j'ai retrouvé la santé. Donc, c'est sûr qu'entre vomir puis vivre ce désagrément versus passer 1 ou 2 semaines, avoir des symptômes grippaux s'apparentant à la rhume ou la grippe, ben, je pense que je préférais vomir. Donc, ça a eu l'effet. Si ce vomissement m'a permis d'en libérer, tant mieux. Sauf que le phénomène de la grippe ou du rhume, dans un sens, à un certain niveau, ça demande des phénomènes que, bon, il y a des variables comme tout est reçu selon la forme du récipient, c'est-à-dire le terrain, l'individu, l'état dans lequel il était. Oui, dans mon cas, au moment où j'ai commencé à manifester des symptômes grippaux, c'était lundi, j'étais fatigué. C'était en fin de journée, j'avais décidé vers 17 h de faire du jogging. J'avais eu chaud, j'avais beaucoup transpiré, donc une activité intense, des fois, ça peut être propice à tomber malade, dans le sens que si la personne a une très grande fatigue physique ou ça peut être une fatigue mentale aussi. Ça, c'est des variables qui ont une incidence qui peut favoriser la croissance d'une maladie naturellement, sauf que d'autres variables qui ont de l'impact. Et c'est sûr que pour ce qui est des gens qui sont religieux, comme dans le domaine de la religion catholique, de prier Dieu, ou dans le domaine du jovialisme, de bénir, à mon avis, ça a un certain impact. Il y a une dimension occulte, une dimension subjective à la maladie qui est intéressante d'étudier. Puis il y a une dimension aussi qui va au-delà de la science matérialiste et réductionniste. C'est sûr que ce que je vous partage là, de dire que quelqu'un m'a fait un traitement dans le dos puis ça m'a libéré, c'était soit un rhume ou une grippe, là, j'avais des symptômes grippaux comme moucher à répétition. Il y a des gens qui vont dire, ben non, ça se peut pas, là, c'est ton imagination. Où ils vont dire, ça doit être de l'effet placebo. Tu crois que la personne te libère émotivement pour te libérer du virus, puis comme tu es tellement convaincu, t'amènes la manifestation des mécanismes d'auto-santé de ton corps, là. C'est comme tu te donnes à vivre la guérison en croyant qu'il te guérit. Ça revient un petit peu à ça. Une certaine perspective à travers le rituel. Quelqu'un, dans le fond, va faire affaire qu'un chaman, il va se mettre à faire des rituels, à utiliser, par exemple, un tambour pour l'accompagner, pour induire un état de transe, faire certaines danses. Donc, à travers la mystification du rituel, donc l'individu donne de l'importance à ça. Un peu comme en Occident avec la blouse blanche, c'est-à-dire que quelqu'un voit un médecin en blouse blanche et il croit qu'il peut le guérir, ça peut augmenter par suggestion, le fait que le médicament qui va être prescrit par la personne du corps médical en blouse blanche va être davantage effective. Tout simplement sous la croyance, comme la personne qui vient d'Amazonie, qui voit un chaman, peut croire qu'il va davantage le guérir qu'un autre individu quelconque. Donc, il peut y avoir cette dimension-là, naturellement, qui entre dans l'équation. Quoi qu'il en soit, pour ce qui est de moi, ben, c'est sûr que je suis content d'être guéri. Et puis, dans le fond, je continue à faire mes études par rapport à la santé, différentes choses. Je suis quelqu'un qui, dans ma vie, va bénir, mais j'observe aussi l'efficacité de gens avec différents systèmes de croyances, dans le sens que une amie à ma mère, parce que ma grand-mère maternelle, c'est-à-dire la mère de ma mère, est décédée il y a environ un an. En fait, un peu plus qu'un an, c'était au mois d'août. Et puis, il y a eu une messe anniversaire suite au décès de ma grand-mère. Et l'ami de ma mère qui l'a connue dans les derniers temps allait la voir avec ma mère là, régulièrement là, en résidence de personnes âgées, donc en CHSLD. Et après l'avoir accompagnée pendant plusieurs années, ben c'est sûr que ça aurait été intéressant pour elle d'assister naturellement à la messe anniversaire d'un an après son décès. Et ce qui est arrivé quelques jours avant, c'est qu'elle avait testé positif à un test de COVID-19. Donc techniquement, c'était peu probable qu'elle retrouve la santé pour le jour de la messe anniversaire, mais ma mère a prié ma grand-mère pour qu'elle puisse retrouver la santé. Et la journée d'avant, l'événement, ce qu'elle racontait, c'est qu'elle avait fait un test COVID, puis la barre était rouge, puis le lendemain, elle se sentait bien et avait refait le test COVID. Et au lieu que ça soit une barre rose, non, il n'y en avait pas du tout. Alors qu'on aurait pu s'attendre à une transition, c'est-à-dire que la personne est testée positive intensément, ensuite un petit peu moins positif, peut-être de passer de rouge à rose avant de tomber à rien. Mais ça n'a pas été le cas. Et c'est sûr que ça lui a permis de rencontrer ma mère, puis moi-même pour l'événement de la messe anniversaire. Et par la suite, ben, après la messe, il y a eu un petit goûter. Donc, c'est sûr que c'était préférable qu'elle ne soit pas infectée par le virus pour pas nous contaminer. Donc, il y a des petites choses comme ça qui arrivent. Il y a comme une dimension subjective qui va moduler l'expression de la maladie, la stopper, la freiner. Ce qui fait que lorsqu'à un moment donné, dans un de ses enregistrements, André Moreau a déclaré que si il est possible que quelqu'un, par exemple, qui est atteint d'une maladie, puisse en contaminer une autre, donc quelqu'un qui est atteint du sida qui puisse en contaminer une autre, ben lui, il affirmait qu'il pourrait être possible de faire le contraire. Quelqu'un sain guérisse une autre personne qui est atteinte d'une maladie sexuelle en ayant un rapport sexuel avec elle. Donc, c'est audacieux ce qu'il a dit. C'est un personnage particulier parce qu'au fil de sa vie, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a eu des relations sexuelles avec au-dessus de 1000 personnes. Donc, sans utiliser de préservatif, sans porter de condom. Donc, c'est sûr que c'est particulier parce que c'est un homme qui fait l'amour en bénissant. Puis au moment où je vous parle, il a passé l'âge vénérable de 83 ans, donc il est toujours vivant. Il y a des gens qui disaient, voyons donc, quelqu'un qui a des relations sexuelles avec plusieurs femmes va finir par avoir le sida, surtout dans les années 1980 où on disait que c'était une épidémie importante. Et André, naturellement, à ma connaissance, n'a pas le sida, il est toujours vivant. Et il n'a pas changé son mode de vie. Donc, avant la période dite de pandémie de sida dans les années 1980 à aujourd'hui. Bien entendu, je ne recommande pas non, aux gens de faire ça à la maison, de ne pas porter de condom. En fait, la personne doit faire ce qu'elle a à faire selon sa vibration. Donc, mais mon rôle ici, à travers l'enregistrement, c'est d'exposer différentes manières d'être. Et qu'à quelque part, à travers la bénédiction, à travers la volonté d'être en santé, à travers du déploiement des mécanismes d'auto-guérison que l'individu peut porter, ben, il peut se passer certaines choses. Naturellement, mon propos, c'est qu'il y a différentes voies. Il y a des gens dans la religion catholique qui vont prier Jésus. Ma grand-mère, qui est fervente croyante de son vivant, elle s'est rendue quand même à 99 ans, puis elle priait 4 fois par jour. Tandis que j'ai vu récemment qu'il y a une dame, comment qu'elle s'appelle? Excusez-moi, je n'avais pas nécessairement eu l'intention d'en parler, là. Désolé si je me cherche un peu, parce que là, je tombe dans une information factuelle. C'est Madame Grosjean qui, elle, est morte à 93 ans. Elle a faisait la promotion d'une nutrition là, sans viande, là. C'était lié à du. C'est Irène Grosjean, la promotion du végétarisme. Puis j'ai été un petit peu déçu qu'elle est morte à 93 ans parce que ma grand-mère, qui n'était pas végétarienne, est morte à 99 ans. Mais ce que je percevais chez Madame Grosjean, c'est qu'elle était comme beaucoup polarisée dans l'idée qu'il faut pas manger de la viande, qu'il faut manger des légumes, etc. Tandis que ma grand-mère n'était pas végétarienne, mais elle était plutôt polarisée dans l'idée que, dans le fond, l'importance de prier Dieu, que Dieu est amour, que Dieu peut nous accorder des grâces, etc. C'est sûr que c'est différent, là. Chaque personne est unique. Ma curiosité, c'est sûr, dans un sens, c'est de voir André Moreau, qui est âgé de 83 ans, qui bénit régulièrement. Il va se rendre à quel âge? Dans le fond, en termes d'espérance de vie, à travers son existence sur le plan biologique, parce que lui, ça fait quand même plusieurs décennies qu'il bénit régulièrement. Moi, personnellement, la bénédiction, je trouve ça intéressant. Je bénis dans ma vie, puis j'agis à plusieurs niveaux, dans le sens que pour traiter, par exemple, une grippe ou un rhume, j'étais sur un protocole très conventionnel, là, mardi, c'est-à-dire hier. Qu'est-ce que je faisais? Bon, premièrement, se rincer les sinus plusieurs fois par jour pour favoriser l'expulsion du virus. Donc, je me prenais de l'eau mélangée avec du sel et à partir d'une petite bouteille en plastique, je me mettais ça dans le nez. Puis, dans le fond, j'envoyais un jet d'eau d'une narine à l'autre pour les rincer. Ensuite, me gargariser la gorge avec de l'eau puis du sel. Ensuite, boire régulièrement de l'eau. Ensuite, boire du jus d'orange parce qu'il y a de la vitamine D. Ensuite, j'avais ouvert les fenêtres pour favoriser la circulation d'air pour éviter que le virus s'étende, par exemple, dans ma chambre où je dormais. Ensuite, vu que j'avais des frissons, j'avais diminué la température, faisant passer de 20 à 18 degrés Celsius. C'est ça, j'avais adopté différents comportements là, de base là, au niveau très cartésien, logique, mais aussi d'une manière parallèle, en complémentarité, je bénissais ma santé, puis j'écoutais des enregistrements d'André Moreau pour être dans la vibration de la bénédiction. Dans le fond, tous ces éléments-là, dans un sens, peuvent avoir une incidence. Puis là, ce qui est important, c'est que je sois présentement en santé. Ce que je fais, en fait, depuis le mois de juillet dernier, j'étudie intensivement la bourse. Je continue à faire mes études par rapport aux différents placements, différentes informations. Puis éventuellement, je vais probablement faire des capsules, soit audio ou vidéo, en lien avec les fruits de mes recherches. Je vous remercie pour l'écoute de cet enregistrement et je vous dis à bientôt. Au revoir.